Salut Gégé. Comment vas-tu? Ça va, la pêche et toi? La pêche, toi? Ouais, moi la pêche et toi? Moi j'ai la pomme. Ouais, okay, bah, moi c'est pareil. Tu peux annoncer la couleur du disque? La couleur du disque, je sais. Il était vert pomme. Ouais. Il était vert pomme. Et j'espère que le musical fonctionne. Ouais, il fonctionne. Donc vous pouvez toujours aussi essayer de laisser des messages. Je peux le couper peut-être. Oh, non. Vous pouvez toujours nous appeler sur le 3615 Code Fun Radio, rubrique directe. Et pour ça, on va accueillir donc le premier débat, déjà porté sur les villes ou la campagne. Et après, ça sera les portables, parce que c'est demandé, il paraît que ça a été demandé depuis longtemps. Alors, on accueille pour ça Petit Suppo, 20 ans de Grenoble. Tu peux me donner la fréquence, s'il te plaît? Oui, bonsoir Paris, bonsoir Christophe Coutan. C'est 93.4. Je m'appelle pas Christophe Coutan, d'accord? Non, il parle pas de toi. De toute façon, ça va être Tourette ce soir, je vous le dis. Moi, j'ai trop attendu. Ah ben, plus t'attends, plus c'est bon, d'accord? C'est comme si tu faisais l'amour. C'est okay. C'est clair. En de bon entendeur, tu commences pas. HLM, 22 ans Paris, on écoute Fun Radio sur 101.9. Voilà. Bonsoir à toi. Bonsoir, Gégé. L'Amiraude, 19 ans de Limoges. La Noiraude. La Noiraude, 19 ans de Limoges, tu peux me donner la fréquence, s'il te plaît? Je la connais pas, en fait. Voilà, ben c'est bien. Donc, si quelqu'un sur l'IRC ou le Minital pouvait me donner les fiches. La fréquence Fun Radio Limoges, merci. Meul de Fion, 21 ans de Brest. Bonsoir. Tu peux me donner la fréquence? 102.7. Ouais, 102.7, tu retireras tes mains du nez quand même. Non, mais c'est ma voix naturelle, je parle comme ça. Ouais. Bonsoir aussi à Fildar, à Manu, à Rigo. Salut. Apolline, elle est chaude aussi. Ouais, bah pour l'instant, Apolline, elle devrait venir faire le standard avec Fildar, mais elle est pas là. Donc, je sais ce qu'elle fait. C'est bien. Moi, je sais ce qu'elle fait. Bon, première question, êtes-vous pour ou contre la campagne en hiver? Donc, on va demander ça à la Noiraude, qui habite Limoges. Moi, je suis pour. En fait, tu dis qu'il faut être pour, et donc je suis pour, quoi. C'est ça, quoi. Mmh. Non, mais tu peux... toi, t'arrêtes de... Meuldofion, t'arrêtes de... Bon, toi, tu commences à te calmer aussi, parce que sinon... Bon, ouais, Fildar, tu commences à me les calmer, là, parce que ça va pas aller. Donc, tu peux préciser le fond de ta pensée? Bah ouais, il est précis, quoi. Ça va jusqu'au fond, quoi. Non, mais je te demande de préciser. Êtes-vous pour ou contre la campagne en hiver? Je te demande de préciser le fond de ta pensée sur ta réponse. Bah ouais, mais ma pensée, elle va jusqu'au fond, donc moi je pense à fond, donc je pense qu'au fond, ben la campagne en hiver, ouais, quoi. Ok, oh là, il y a des Larsen, mais c'est pas grave. HLM. Oui, et ben moi je suis complètement pour la campagne en hiver, parce qu'en hiver il fait froid. Et à la campagne, on a des petites maisons avec un feu de cheminée et on fait l'amour tout le temps pour se réchauffer. Mmh. Donc, je suis complètement pour. D'accord. Non, là, mais c'est quoi là? C'est peut-être le micro, là, rigoté de la semaine dernière. Encore? Ouais. C'est encore le mien qui déconne? Non, c'est celui-là, là. Il y a du Larsen, non? Ah, bon, bah attends, bah tiens, Meuldofion, tu vas répondre maintenant. Oui, alors, c'est vrai que la campagne est mieux en hiver parce que c'est blanc. Mais les paysages sont blancs. Tout est blanc, tout est immaculé de blanc, c'est bon. Tout est éjaculé de blanc, ouais. Non, mais je te demande si t'es... je te demande si t'es pour ou contre. Pour elle. Non. Ouais, d'accord. Non, mais je suis pour, mais je comprends pas bien le sens de ta question. Vraiment bien. Êtes-vous pour ou contre la campagne en hiver, c'est-à-dire... Moi, je suis pour. Mais oui, ouais, mais ça y est, mais... Mais moi aussi, je te dis que j'aime bien quand c'est blanc. Quand il neige, toute la campagne, elle est blanche. Ta question, elle est pourrie, Gégé. Non, c'est bon, ouais. Attends. Non, elle est bien. Non. Attendez, les auditeurs. Vous calmez, là. Je suis pas d'accord avec vous, là. La question, elle est bien. Faudrait que Gérard, franchement, toi... Bon, déjà... franchement. Déjà, on va demander qui c'est qui reste qui n'a pas répondu, c'est Petit Suppo. Alors, vas-y, toi, pour finir. Après, moi, je dirai. Ouais, moi, je préfère la montagne ou la mer l'hiver, sincèrement. Mais la campagne, non. Ouais, mais tu peux préciser. Bah, c'est-à-dire que quand tu vas sur les côtes du Cotentin, par exemple, ou en Bretagne, en hiver, t'as pas tous ces touristes à la con, là, autour, et... non, c'est bien, c'est pas Tourette. Ah, bah oui, Ouais, mais non, mais Brest, c'est pas la campagne, si? Mais non, mais... Mais pourtant, qu'est-ce qu'est la campagne? Non, mais la campagne, c'est vrai que... Faut bien préciser, c'est que t'as plusieurs endroits... Oh, on me laisse parler, merci, je réponds à la question que Fulder me pose, d'accord? Donc, c'est pour préciser la campagne, t'as différents coins. Par exemple, vers chez toi, c'est un peu la campagne aussi. Ouais. Je dirais plus parce que j'ai quelqu'un qui habite là-bas, je citerai pas son nom. Vers du côté de Thierry, c'est carrément la campagne. La campagne complète, pour que tu passes à peu près 20-30 bandes pour faire tes courses. Hein. Ah ouais, carrément. Ah ouais. T'as pas de route, t'as rien, t'as pas de cabine. Si, mais cabine téléphonique, non, faut mieux avoir le téléphone chez soi, tu vois. Il y a du courant. Ils ont l'eau au moins, l'eau courante. Ouais, l'eau, ouais. Téléphone, la télé. Ils peuvent qu'à faire caca, tout ça. Mais par contre, ils ont du mal à capter Fun Radio dans certains endroits. Gérard. Oui, Rigo. Sur IRC, il y a Titeuf qui demande si les McDo à la campagne sont meilleurs que ceux de la ville du fait qu'on tue les vaches sur place. C'est trop con. Non, mais tu vois, justement, alors là, je vais pas y répondre tout de suite à elle. Parce que c'est qui c'est un mec Titeuf, c'est un mec, ça, ouais. Je sais pas. Personne n'a pu me donner la fréquence de Limoges encore. Hein. Donc, c'est pas grave. Oh, les Limougeuses. Hein? Alors, auriez-vous trouvé l'âme sœur à la campagne ou autre, plus les villes? Donc, alors, je précise, c'est de trouver la personne avec qui vous voulez vivre, soit à la... Oh! Merci, Molle de Foin, tu as commencé par te calmer. Non, mais c'est pour moi, c'est quelqu'un qui m'appelle. Tu as commencé à te calmer, moi, je te dis. Mais c'est pas moi. Tu te calmes. D'accord. Ou sinon, moi, je vais te calmer au standard. Claire, net, précis. Ça te va pas la voix de Claire. Tu peux préciser ta question, là, Gégé? Ouais, c'est un peu trop ta question, quand ouais. Rien. Ouais, alors, avez-vous trouvé l'âme sœur à la campagne ou autre? Plus ville. Alors, je précise. Ah, c'est des mathématiques, là. Les mathématiques, c'est même plus une question. Bon, alors, toi, tu dégages, tu m'énerves. Allez, hop, au revoir. Gérard, sinon... Meule de point terminé. Gérard, sur IRC, il y a Wanobi qui te demande à partir de quoi une campagne devient-elle une ville. Ah, bonne question. Ça. Alors ça, justement, j'ai pas pu réfléchir et je pensais que... Je pouvais avoir des sondages, et les sondages... Ah, mais tiens, ils sont là. On les a pas. Mais si, on les a, je les ai sortis. Bien sûr que si. Donc, tiens, Gigi. Alors, le premier, non. Débat sur l'euro, mais j'en ai rien à foutre, débat sur les routiers. Ah, merde, ça va. C'est trop facile. Ah, c'est trop facile. Oh là là là là, celui-là. Excuse-moi. Ville. Ça va, Tony? Ville est portable. Qui c'est qui vient de dire Tony, là? Je sais pas, je vais gérer. Faudrait peut-être pas commencer à me prendre pour un con parce que ça commence à bien faire. Gérard, sur IRC, il y a Yankee qui dit que une ville, c'est à partir du moment où tu y es pas, sinon c'est une caverne. Je pense aussi, oui. Je pense. Oh là là, ça doit être le micro, ça encore. Ouais, ouais c'est le micro, Rigo, voir, cher. Alors, ah ouais, en plus, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ah là là, le son de merde. C'est bon, c'est arrêté là. Ah, vas-y, débranche. Ah, non, c'est pareil. Non, c'est bon, c'est bon. On n'entend plus. On est à l'antenne. Gérard. Ouais. Non, mais attends, meule de foin. De fion. Meule de fion, c'est fini pour toi. Non, je l'ai calmé, je l'ai calmé. Je l'ai calmé. Ah ouais, alors donc, il y a un petit sondage là que j'ai. Donc, il y a 51% des personnes qui aiment la ville pour la bouffe et les prostituées. Je vois pas du tout le... C'est plus facile de trouver une pute en ville. Bah ouais, c'est clair. T'en as quand même aussi à la campagne, mais te dire où, je peux pas te dire. Bah ouais. Oh, allez, donc, alors... T'as des coins? Non, je connais bien 2-3 coins à pute. Ah ouais, genre... Non, à Montigny-le-Bretonneux. Bon alors, hop, non, terminé, allez, hop, terminé. Non, mais ça se trouve, terminé. Il y a une pute, ok, un montigny bretonneur. Allez, c'est terminé pour lui, au revoir. Ben, j'ai sommeil. Au revoir, ben, va dormir. Voilà, comme ça, on sera tranquille. Allô, je suis sur antenne, non? Oui, bon, alors, donc, avez-vous trouvé l'âme sœur à la campagne ou autre, plus les villes? Alors, je précise ma question, c'est que, en ville... vous pouvez trouver quand même quelqu'un que vous aimez. Donc l'âme sœur, c'est pour faire votre vie avec. Ouais. À la campagne, c'est pareil. Ou autre. Donc je précise, c'est-à-dire à l'étranger. On est bien d'accord. Vous avez bien tous compris le sens de la question. Oui, Gérard. Ouais. Alors, allez, filles. Petit suppôt. Alors, deux trucs. J'ai rencontré deux personnes. Déjà, mon amie d'enfance, elle habite Paris. Et comme j'ai habité à Paris, elle est restée là-bas. Moi, je suis en province, donc je monte souvent. Et la femme de ma vie, actuellement à qui je suis, elle est d'Angleterre. Mais je te dirai pas d'où. Et ouais, donc, non, la vois souvent. Non, mais précise quand même. Non, non, je peux pas. Mais précise. Non, il y a le... Je peux pas. Il y a le standard garde derrière et tout, je peux pas. Ben attends, mais... Je peux pas, c'est tout. Mais attends, de toute manière, tu peux préciser quand je te demande des précisions, précision... Si je précise, ça va être tout raide après. Bon, ben d'accord, dis plutôt que t'as pas envie d'en parler, c'est tout. Ouais, voilà. Ok, HLM. Excuse-moi, Gérard. Attends, 5 minutes. Excuse-moi, HLM. À la place de Mal de Fion, on accueille Jean-Guy, 21 ans, du Puy-en-Velay. Bonsoir. Ah. Jean-Guy, bonsoir. Bonsoir, c'est Jean-Guy. Bonjour. Ouais, quel âge? 27 ans. 27 ans, et puis en blé ? Ouais, c'est ça. Et. C'est nouveau, ça. La fréquence ? 92,7. Ok. Gérard, sinon, il y a l'IA sur IRC, elle dit qu'elle mouille grave pour toi. Ah ben, ça, je m'en fous. Mais. Jean-Guy, t'as intérêt à pas être raide. Hein. Sur l'IRC, s'il vous plaît, j'attends. Et même sur le Minitel, Manu, si tu pouvais regarder un peu. Mais j'attends toujours la fréquence de Limoges. Bah oui, mais ils disent 206,1, 412,6. Bon, on me l'a donné, Gérard, tout à l'heure. On me l'a donné, je vais la retrouver. Faut que je remonte. Vas-y, prends un auditeur. HLM. Je suis en train de répondre, moi. HLM. Alors, moi, j'ai rencontré mon âme sœur à Paris, hein, donc en ville. Mmh. Et donc, d'ailleurs, je fais un gros bisou à Rip. D'accord. Non, mais. Bonjour. Non, mais ça, toi, tu te tais derrière, d'accord? D'entrée. Alors, la Noirode. Ouais, j'attends mon tour depuis tout à l'heure. Non, mais attends, et la Noirode, je te pose, maintenant c'est à toi de parler, maintenant tu réponds, t'attends pas ton tour, je pose les questions, je demande à qui ça me fait plaisir. Comment ? Tu me parles meilleur, hein. Ouais, c'est toi. Bon, alors tu dégages, allez hop, la Noirode, au revoir. Non ! Allez hop, va te faire foutre, hop, terminé. Mais je t'emmerde, hein. Moi aussi. Pétasse. Arrête, on la vire. Terminé pour celle-là. Alors, Jean-Guy. Ouais. À toi. Moi, j'ai rencontré l'âme sœur au bord de la mer parce que je vais toujours au bord de la mer. Parce que j'aime pas la montagne ni la campagne. Ouais. Et j'ai rencontré, mais elle était beaucoup plus vieille que moi. Elle avait 63 ans. Elle était informaticienne et j'ai rencontré au bord de la mer et c'était l'idylle totale, quoi. Ah, d'accord. Tout ok. Les dunes, le soleil, tranquille, quoi. Tout raide. Comme je suis le seul mousquetaire, je suis le seul à le dire, quoi. Tout raide. Ok. La mer, c'est la ville ou la campagne? Je me suis toujours posé la question. La mer, c'est plus du côté de Brest. Et à mon avis, je pense que ça devrait être. Admettons, si tu prends à Marseille, c'est pas la mer, c'est la ville alors. Marseille, c'est une ville donc. Gérard, tout à l'heure, Satanas, je crois que c'était Satanas sur l'IRC, il disait qu'en fait, la campagne, c'est où finit le RER. Le RER, il finit à Château de Vincennes. Mais, GG, le RER, il finit à la ville ou à la campagne, alors c'est... Attends. Oh merde, je viens de me planter, le RER, il finit pas à Château de Vincennes, il termine à, je sais plus où, là, dans une cambrousse, Marne-la-Vallée. Donc à la campagne. Joinville-le-Pont, je crois. Ouais, même Marne-la-Vallée pour aller à Disneyland Paris. Ça y est, tout le monde a répondu. Oui. Bon, à part la Noirode, parce qu'on l'a viré. Oui, on l'a viré, et à la place, j'ai trouvé String en fleurs, une demoiselle, bien sûr, qui a 20. Non, Apolline, coupe le micro, il n'y a pas de problème. Qui a 24 ans et qui appelle de chez elle. Salut. Salut, String. Allô, Gégé. Calme-toi un peu au début, hein. T'es pas obligé de jouer comme ça direct, hein. Non, mais tu vas jouer sur les portables tout à l'heure, toi. J'ai l'impression, parce que... Elle doit trafiquer, elle. Ouais. Alors... Gérard, j'ai enfin la fréquence de Limoges. Ouais, bah maintenant qu'on a... Moi, sur Minitel, on me dit 8,6. Ah, moi, on me dit 92,2. Ah bon. Ouais, je contrôlerai, parce que j'ai les fréquences à la maison. Ok. Donc, j'ai un bouquin sur toutes les fréquences de Fun Radio. Donc, là, il y a un mec qui a sorti un livre. Tu l'as sur ta cheminée, le bouquin? Sur les fréquences? Non, c'est un bouquin avec, que j'ai acheté. Ce bouquin dessus, c'est la cassette La vérité, si je mens. Sur IRC, on me demandait si tu lisais ce livre en faisant l'amour. Non, pas du tout. Pendant une heure ou deux? Pildar, tu te calmes après le nouveau matos, là, ou quoi? L'autre il est en train de s'en prendre après le micro et c'est tout juste si Apolline elle se prenait pas dans la gueule. Ouais, vrai. Elle aime ça. Donc alors quel métier ou job vous auriez aimé faire à la campagne qu'en ville? Alors je précise parce que on va me dire je comprends pas le thème de tes questions. Ouais. Hein? Donc le boulot. Attends Gérard, je comprends pas le thème de tes questions. Bon, bah toi pour l'instant t'es à l'arrière, tu te tais. Ok d'accord. Ok. D'accord. Bon, on va demander un petit suppôt. Ouais ouais. Ben moi je vais être plouc et je vais élever des grosses dindes. Tu peux préciser là parce que être plouc. Non mais attends, être plouc et élever des grosses dindes. Ouais. Et c'est tu veux parler de quoi en parlant de grosses dindes? Tu veux parler de qui en parlant de grosses dindes? Non, des dindes fermières. Ouais, mais tu peux préciser le fond de ta pensée? Le fond de sa pensée, c'est que bon, il est en campagne et bon, il a envie de fourrer des grosses dindes. C'est toi. Ouais. Attends, c'est toi qui es vicieux. Hein. C'est toi qui es vicieux. Ouais, mais attends, je me doute à peu près de qui veut parler. N'aie crainte, je sais de qui veut parler. Ça ressemble à un débat que j'avais fait déjà, ouais, c'est vrai. Ouais. Non. Ouais, HLM. Oui, alors, ben moi, si j'étais à la campagne, j'aimerais être fermière parce que j'adore me traîner dans la boue avec les cochons. Ah, yes. Non, mais il n'y a pas que les cochons. Il y a les poules, les vaches, les moutons. Moi, ce que je préfère, Gégé, c'est les cochons. Ah, ben parce que t'es une grosse truie. Oh voilà, ben si, ben, t'es une grosse truie. Voilà, ouais, terminé. Hop. Jean-Guy. Ouais. Ben moi j'aurais aimé plutôt être pêcheur, genre pêcheur de moules ou d'huîtres, des trucs dans le... Non, ça aurait été plus marrant de dire de thon, mais bon. Ouais, bon alors toi tu dégages, hop. Petit chupot terminé. Terminé. Pêcheur de thon, tu vas te faire foutre, allez hop. Dégage à toi, au revoir. Hop, terminé là. Allez, elle est virée. Non, mais il repasse pas sous la note. Non, mais Gérard, par contre, il y a Davy One sur l'IRC, il dit que c'est bien que tu saches de quoi tu parles, au moins t'en es conscient. Ouais, parce que elle va me dire encore tout à l'heure, lors de la conclusion du débat, mon débat n'a ni queue ni tête comme toi. Ah, c'était pas la même personne. Ouais. On sait jamais. Non, mais il prend les mecs pour des femmes et ça a dû lui poser des problèmes. Ouais, on sait jamais avec elle. Oui. Je voulais te poser une question. Dans le roman de Victor Hugo, le rat des villes et le rat des champs, toi, t'es plutôt pour le rat des villes ou le rat des champs? Rat des goûts. C'est naze. HLM, t'as répondu. Oui, Jean-Guy. Ouais. Mais moi, j'ai répondu. Moi, c'était plutôt pêcheur, des trucs comme ça. Parce qu'il y en a marre des pêcheurs qui sont que à la mer. On a aussi le droit de pêcher en campagne. Je vois pas, il n'y a pas de raison, quoi. Il y a des étangs, il y a des lacs, il y a des fleuves, il y a tout ce qu'il faut pour pêcher. Et je vois pas pourquoi ce serait dégueulasse qu'il y aurait que des pêcheurs à la mer. Moi, je suis pour les pêcheurs en campagne. Il faut remonter ça. Non, mais moi, de toute manière, moi, je suis d'accord avec. Tu es d'accord avec moi? Oui, mais parce que moi aussi, j'adore la pêche. Hein. Bah oui. Donc, tu trouves pas qu'on devrait plus pêcher dans les campagnes qu'au bord de la mer? La mer, c'est pour les touristes. C'est clair. Ouais, mais ça, c'est pour ceux qui ont l'habitude de partir, qui partent le matin sur un coup de 3 ou 4 heures du matin, puis qui rentrent pas avant midi pour vendre leurs poissons sur. C'est des vrais, des authentiques. Non, mais le mieux, c'est la pêche à la montagne quand même. Hein. Ah bon, la pêche à la montagne. Alors, c'est qui dit ça? C'est HLM. Alors, HLM, vas-y, précise. Parce que là, je vois pas la pêche à la montagne. Bah si, dans les lacs de montagne. Ah ouais, tu pêches quoi là, dans les lacs de montagne? Et tu diras aux blaireaux qui sont derrière toi, qui se calment. Il y a personne derrière moi. T'as jamais pêché un ours en montagne, Gérard? Non. La pêche à l'ours? Tu connais pas? Non. Et la pêche au dahu aussi, hein? Non plus. Et la pêche au routier? Non, je m'y attendais à ta il est con. Gérard, sur IRC, il y a Belge Boris, il te demande si la Belgique c'est la ville ou la campagne, du fait que c'est près de la mer et c'est pas à Paris. Hein? Alors là, attends, je veux pas critiquer, mais là je crois que sa géographie ferait mieux de la réapprendre, parce que c'est la où, Belgique... C'est où? La Belgique a jamais été à côté de la mer, hein? C'est où? C'est où alors? Je ne pense pas. C'est faux. Je pense pas que ça soit à côté de la mer, la Belgique. Il ferait mieux de regarder dans sa carte géographique, hein. Ouais, et Jean-Seb, excuse-moi, à la place Il confirme. Ah, il confirme? Eh ben, ouais. Ça m'étonnerait, hein. À la place de Meuldefion, on accueille Jean-Seb, Non, attends. Non, excuse-moi, à la place de Petit Suppôt. Excuse-moi, on accueille Jean-Seb, salut. Ouais, bonsoir à tous. Bonsoir. Salut, Jean-Seb. Bonsoir. T'appelles d'où? Je viens de travailler mes voix, moi. J'appelle de Caen. De Caen, dans le Calvados. Calvados, ouais. La fréquence, t'en sais rien. Je sais. Vas-y. 87. Ouais, ça m'étonnerait. Je te le dis. Ouais. Donc, alors, pour toi. Ouais. Est-ce que tu pourras me répéter la question parce que j'étais en antenne, s'il te plaît. C'était quoi déjà? Qu'est-ce que tu voudrais faire comme métier à la campagne? Quel métier ou job vous auriez aimé faire à la campagne ou à la ville. Bah moi, ça m'aurait bien plu d'être fermier quand même. Ah, comme moi. Ouais, d'élever les bêtes. Ouais, se traîner dans la bouse. On aurait fait l'amour dans la bouse tous les deux. Voilà. Ça m'aurait plu. Dans la bouse, surtout, ouais. C'est bon, ça. Ok. Ça t'excite, toi. Bon, petit string. Ben, moi, j'aurais voulu être une dinde. J'aurais voulu être une dinde, comme ça, ben, l'autre, il aurait pu m'enfourcher, quoi. Non, mais attends, l'autre, attends, qu'est-ce que c'est que, oh, t'as pas fumé un pétard, là? C'est moi, j'ai trop de succès, là, ce soir. Non, mais t'as pas fumé un pétard? Ah non, moi, je fume pas, hein. Écoute, Gégé, elle veut que j'enfourche, laisse-la dire. Bon, ben, c'est pas grave. Ah ouais. Moi, j'ai un petit sondage, là, 34% des... aiment la campagne pour le plaisir animalier, ça c'est vrai, en plus. 12% ne voient pas la différence entre les deux, là je vois pas. Je vois pas, et pour finir, 10% aimeraient qu'il y ait des villes à la campagne. Voilà, j'en sais pas. Gérard, oui. Sur IRC, il y a Satanas qui te demande si on peut voler aussi facilement dans les FNAC de la campagne que dans les FNAC de Paris. Non, bah ça, de savoir, faudrait déjà qu'on aille des gens qui habitent à la campagne, mais là, on n'en a pas beaucoup. Bah, t'as déjà fait, toi, tu connais. Ouais, mais des FNAC, là-bas, j'en ai pas vu. Hein. Parce qu'il y a Arnett sur l'IRC, il m'a dit qu'il t'avait vu voler 50 CD à la FNAC de Paris, il voulait savoir si tu arrivais aussi en province. Bon, lui, il va se faire sauter, ça va être clair et net pour son matricule, ouais. Il va pas nous faire chier toute la soirée avec ça. Gérard, on me demande aussi sur Minitel s'il y a plus de thunes dans les porte-monnaies des filles à la campagne qu'en ville. Alors là, je réponds pas parce que ça va faire rapport avec Christine. Alors là, c'est qui? C'est qui? C'est Clem. Clem, eh ben Clem, moi je t'en merde. Respect que je te dois. Alors, d'après vous, à la campagne, sont-ils plus hypocrites qu'en ville? Et on s'écoute. Jean-Michel Valmont avec Viens me mettre ta grosse loco dans mon petit tunnel noir. Et avant de s'écouter ça, je vous rappelle les numéros 803-08-5000. Toujours fil d'art. Rappelez normalement, Gégé. Vous pouvez nous appeler toujours au 0803-085000, toujours le 3615 Code Fun Radio, rubrique directe, et toujours Rigo sur l'IRC. Rigo, tu peux faire un petit point à 1h05 du matin. Point. Oui, si tu allumais ton micro, ça serait bien. Point. Un petit point. Point, comme ça, un tout petit. Bah ouais. Un petit point de savoir combien qu'on est. Point 23, on est. Non, sérieusement, on est 6542. Oh, ah, c'était Dob, sur l'IRC qui m'a fait 6542. Ouais, ça arrête pas de monter. Ok, ben, donc on s'écoute, je répète, Jean-Michel Valmont avec Viens me mettre ta grosse loco dans mon petit tunnel noir, et on se retrouve tout de suite après pour la suite du débat qui porte sur les villes et les campagnes. Donc, à tout de suite. Et vous êtes toujours sur Fun Radio. Et voilà, vous venez d'écouter Jean-Michel Valmont avec Viens mettre ta grosse loco dans mon petit tunnel noir. Donc c'est la suite des débats, donc vous pouvez nous appeler toujours au 0803-085000. Ouais. Toujours le Minitel 3615, code Fun Radio, rubrique directe, et toujours l'IRC www.fr. C'est le Minitel d'ailleurs, où il y a plein de monde qui nous dit « Vas-y Gégé, continue ton débat, il est mortel. » Ouais, vas-y Gérard, t'es le meilleur. Tes débats, ils tuent, on va battre tous les records ce soir. Bah là, pour l'instant, juste avant la pause, on a fait un petit point IRC, on était déjà à 6542, alors que la semaine dernière, à cette heure-ci, on n'avait même pas atteint les 6000. Hein. Donc, alors là, on récupère pour ça HLM. Oui. Avant de reprendre les auditeurs, j'ai un petit sondage qu'on vient de m'envoyer, je peux le lire. Donc, sondage de Davy One sur l'IRC. Préférez-vous courir nu en ville ou à la campagne? 15% préfèrent aller bronzer sur les plages belges. 22% disent que de toute façon, Paris, c'est la capitale de la Belgique. 4% font de l'alpinisme en Belgique, mais uniquement en campagne. Et 26% regardent le Big Bill dans leur grange. 14% prennent le RER B en cultivant des haricots. Ouais, ben, c'est pas mal. Excuse-moi, juste, j'ai un message sur Minitel pour Davy One, d'ailleurs, de Manu, qui dit juste, mais je comprends pas. Non, bon, bah, si t'arrives pas à le comprendre, c'est pas de ma faute. Donc, pour ça, on récupère HLM. Oui, déjà, oui. Rebonsoir. Rebonsoir. Jean-Guy. Ouais. Rebonsoir. C'est encore moi. Petit String. Ouais, je suis là. Rebonsoir. Ça te dérange quand je te dis rebonsoir? J'ai dit bonsoir, Gégé, excuse-moi. Ah non, mais faudra peut-être. Oui. Faudra peut-être vous réveiller, hein. Et Jean-Seb. Ah, bonsoir. Ouais, bonsoir à toi. Donc la question, d'après vous, les chansons à la campagne sont-ils plus hypocrites qu'en ville? On va demander ça à Jean-Seb. Ouais, bah oui, à la campagne, en fait, c'est plus réduit comme personne, donc ça parle plus, c'est dans les petits villages, donc c'est rempli de potins. Et donc les personnes parlent plus qu'en ville, c'est sûr, parce que là, en ville, les gens se dénigrent mutuellement, ne se parlent pas. Non mais est-ce qu'ils sont plus hypocrites oui, ou pas ils sont plus, oui, ils sont plus hypocrites à la campagne qu'en ville, c'est sûr. Mm-hmm. Ouais. Merci Fildar. Oh merde, non mais Fildar. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Non mais c'est rien, c'est un combiné qui vient de tomber. Donc petit string. Ben moi je pense un peu comme l'autre. Oui merde. Je crois qu'il a raison hein, parce que à la campagne les gens ils parlent. Je suis sûr si je te propose de coucher tu viens tout de suite. Bon s'il vous plaît Jean-Seb. Ouais. Tu te calmes? Non mais M-kiff. Tu te calmes? Oui. Bon ouais, petit string. Non mais écoute, j'ai bon, tu réponds à la question, c'est tout, tu réponds pas à l'autre. C'est moi qui pose les questions le jeudi, d'accord? D'accord, j'ai d'accord. Bon. Ben moi je crois que ouais, les gens à la campagne, ils parlent beaucoup sur toi, surtout ils parlent sur toi quoi en fait. Et surtout quand c'est petit, ben plus c'est petit et plus ils parlent. Hein. C'est quoi qu'est-ce okay, qu'il y a, Gérard, allez, bonne nuit. Bonne nuit, parce que là, je crois qu'il y a la campagne. Non, non, mais on parle à la campagne, on parle jamais de moi. Celui qui fait le mouton de derrière, je vais le calmer. Jean-Guy. Ouais. Moi, je dirais que, ouais, c'est vrai qu'à la campagne, les gens parlent beaucoup plus que les autres, mais je dirais que les gens de la ville sont pas hypocrites, mais hypercrites. Excellent. Hypercrites, c'est-à-dire, c'est le contraire d'hypocrite. Bravo, t'es un killer, Berthier. Ah ouais, non, attention, hein, j'ai fait de la philo quand même. T'es un boss, toi. Ouais, quand même. Donc, Gérard, si tu m'entends, si tu me comprends, si tu vois ce que je veux dire, hypercrite, le contraire d'hypocrite. Non, mais merci, je suis quand même pas con à ce point-là pour savoir ce que ça veut dire. Hein. Hein, Ouais, non, mais moi je te dis, je suis quand même pas con à ce point-là pour savoir ce que ça voulait dire. Ok, Tu m'as déçu, Batman. HLM. Oui, bah alors écoute, moi je suis allé à la campagne, j'ai croisé personne, alors je peux pas te dire s'ils sont hypocrites ou pas. Hein. D'accord. Moi, je peux vous dire une chose, que je connais des gens qui habitent à la campagne. Ouais. Ils sont pas comme sur la région parisienne ou autre, parce que il y en a beaucoup. Plus en région parisienne, c'est des hypocrites. Et par rapport, pourquoi ils sont plus hypocrites en campagne? Non. Ils sont moins hypocrites en campagne qu'en région parisienne. Pourquoi? C'est tout. Bah ouais, il y a personne. Alors ils ont pas été hypocrites. Quoi, c'est faux? C'est faux. C'est faux. Alors, pour l'instant, tu t'écrases. Okay. D'accord? Okay. Tu t'écrases. Dans quel sens? Bon, toi, tout à l'heure, tu vas retourner au standard, tu vas voir, je vais te faire comprendre dans quel sens que tu vas t'écraser. Que tu vas aller écouter le restant des débats dans ton Watman. Non, mais Gérard. Explique pourquoi à la campagne, on fait moins de... Bon, bah, c'est tout. Non, mais laisse-le, il te pose une question. Ouais, explique pourquoi à la campagne, on est plus hypocrite qu'en ville, s'il te plaît. Bah ouais. C'est intéressant. De quoi? T'inquiète. Pour moi, fais pas. Ouais, non, mais je reconnais ta voix, donc t'inquiète pas. Mais non, donc, tu plaisantes ou quoi? Oui. Bon, tu crois que... La question, s'il te plaît. Ouais, alors, tu peux préciser? Ouais, bah, pourquoi? Tout à l'heure, t'as dit à la campagne, ils étaient plus hypocrites qu'à la ville. Moi, je demande des explications. Non, ils sont moins hypocrites à la campagne qu'en ville. Alors, pourquoi ils sont moins hypocrites à la campagne? Parce que quand tu viens de... Par exemple, tu dis que t'es de la région parisienne, t'es bien vu. Tandis que quand t'en as qui viennent... C'est faux, parce que moi, je suis allé en Bretagne, on m'a traité de chien. Parisien, tête de chien, parigo, tête de veau. Ouais, alors c'est pour ça que t'habites à Caen et tu dis que t'habites la région parisienne. Je suis originaire de Paris. Mais ben alors, moi aussi, et quand je vais à la campagne, on peut-être pas parisien, tête de chien et parigo, tête de veau. Moi, ok. Moi, oui. Ouais, bah peut-être toi, parce que t'as peut-être une sale gueule. Ouais, c'est d'accord, Tony gueule, hein. Ouais. Non, tu fous, tu te trompes, là. Ouais, je me trompe, c'est ça, t'as raison. Tu crois que je t'ai pas reconnu, Jean-Seb? Tiens, mon cul, tu t'appelles pas Tony? Non, presque pas. Tu t'appelles de quand, t'as quelqu'un? Oui, c'est ça. Prends mon cul pour une tasse à café avec un anse. Prends mon cul pour une tasse à café avec un anse, ok? Je te dis que non. Bon, bah moi je te dis que si maintenant, ok? En de bon entendeur, salut. Bon, bah alors c'est bon. Rigaud. Oui, il y a Satanas sur l'IRC qui te demande si les paysans sont obligés d'apprendre à leurs vaches à faire leurs besoins dans le caniveau comme les chiens en ville. Ah non, bah ça, les vaches apprennent leurs besoins où qu'elles veulent. Pas comme les chiens qu'il faut que tu les mettes, que tu les forces, parce que maintenant c'est vrai, et ça c'est une bonne question de Satanas, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les chiens, faut qu'ils passent leurs besoins dans le caniveau, parce que sinon, faut que tu prennes une espèce de sacoche de merde un petit sac pour ramasser pour ramasser leurs besoins. Et moi je vais te dire une chose, que maintenant dans Paris t'as des motocrottes qui doivent ramasser ça, fais-moi confiance. Oh, putain. Toi le mouton, tu as la fermée, toi. Et moi j'ai entendu dire qu'il y avait certains paysans qui amenaient leurs vaches sur Paris, ils étaient obligés de les tenir en laisse, ouais. Et ils avaient interdiction de, ouais, non, de attends, les faire attends, chier. Attends, mais... attends. Ouais. Non, viens pas confondre le débat, parce que là on n'est pas parti sur le débat sur la grève des agriculteurs. Parce non, que si tu veux qu'on c'est pas ce qu'il dit. En laisse. Quand ils veulent faire leur caca, les vaches, à Paris ou en région parisienne, elles sont obligées d'avoir une laisse. Non. Parce que les motocrottes ne peuvent pas aspirer la crotte de vache d'un seul coup. Ça non, attends, bouche. Mais il faut voir ce qu'ils font quand ils chient. Laisse tomber l'angoisse. Hein. Il y a une ville en région parisienne exprès pour les cacas de vaches et tout, ouais, ça. Ouais, j'ai vu ça. Les ouais, grands parcs. Caca police. Je sais ouais, pas. Non, caca Ludolande. Bon, donc c'est plus... Bon, tu Gérard, il y a Isti qui pose une question, mais je comprends pas. Il me dit, est-ce que Gérard doit son état naturel après avoir été élevé par un troupeau de bœufs, par un chien appelé Dégage? Alors là, je vais te dire une chose, toi, Lascar, tu ferais mieux de fermer ta gueule, parce que c'est toi qui es élevé par un troupeau de cochons. Et Perforas, il te demande si t'es plutôt Gérard Desvilles ou Gérard Deschamps. Les deux. Débile. Gérard Débile. Allô, Gérard? Pardon. C'est bon, ça. Non, c'est toi, tu vas te prendre. Gérard, à la place de. Je sais plus quoi, fleur de string ou ouais. String en fleur, on accueille Jean-Yvon. Ok. Jean-Yvon, bonsoir. Ouais, salut mon GG. Ça va? Salut, Jean-Yvon. T'appelles d'où? Bonsoir à tous, j'appelle de Toulouse. Bonsoir. Tu es fréquence de Toulouse 117.5. 117.5? Non, 107.5. Ouais. Ouais. 97.5. Tony, tu t'écrases, je viens de te dire. Je te dis que je m'appelle Jean-Seb. Ouais, ben moi je te dis que tu te fais passer pour Tony et que tu t'appelles pas Jean-Seb, ok? Ouais, non, maintenant tu vas te mettre sur Tony, maintenant je t'ai reconnu. Ça fait 3 fois que tu me fais le coup. Alors T-O-N-Y. Comment? T-O-N-Y. Ouais, et ben t'as intérêt de te calmer parce que normalement j'aime pas trop que tu passes dans mes débats. Bah écoute, je m'excuse pour la dernière fois. Non, mais moi je vais le dire une chose. Tu vas pas t'imposer dans mes débats, c'est moi qui commande, d'accord? Parce que sinon tu vas dégager. Bon, ben maintenant on continue. Ok? Pas de problème. C'est un conseil que je te donne. Un conseil averti en vaut deux. Alors, tu réponds correctement aux questions et tu te tais, ok? Ok. Et tu t'amuses pas à vouloir couper la parole aux autres. Pas de problème. Ok? Ok. Jean-Tony. Alors, a-t-on des spécialités de cuisine entre la campagne et la ville? Alors, je précise. À Strasbourg, c'est la spécialité, c'est la choucroute. Ouais. À Troyes, c'est l'andouillette de Troyes. Ah bah oui, parce que c'est ouais. Clair. Parce qu'il y a un Troyen dans l'Est. Je sais ce que j'ai fourré de l'andouillette, hein, je te jure. Ouais. Et je crois que pour accompagner l'andouillette, je sais pas si t'as eu l'occasion d'en manger, il me semble que c'est avec des pommes, le fruit. Ouais, non, des pommes cuites, ouais. Le fruit qu'on mange ouais, la pomme, en la dessert. Pomme, ouais. La pomme cuite. Moi, je vais te dire une chose, que j'en ai mangé. Ouais. C'est bon. C'est bon. Si, c'est bon. Non, mais c'est aphrodisiaque. C'est aphrodisiaque. Moi, je préfère manger une bonne choucroute bien faite. Bonne chatte. Non, une bonne choucroute. Tu vas à Strasbourg, tu manges une choucroute, là, t'es gavé pendant au moins... Ah bah oui, non, mais c'est sûr, mais c'est parce que tu bouffes trop de saucisses aussi. Gérard, c'est la campagne, là-bas? Oh là, il y a un arsène pas possible. Où, à Strasbourg? Ouais. Non, c'est plus la ville. On a un mec qui va te la télé. Allô? C'est quoi? Alors, c'est pas Technomax? Non, pas encore, c'est... Si. Ça parle. Non, mais c'est pas le problème. Vas-y, fais. Mais il a acheté la télé, ça vous triche. Mais Gérard, c'est pas... Alors, on va... Tony? Tony? Ouais. Oh, tu sais qui s'amuse là? C'est qui la bordel? C'est pas possible que je mette cette émission. Alors Tony? Ouais. Non, c'était pas moi. Ouais. Ah oui, c'est ça. Oh, tu réponds? Il y a rien dans la radio, il y a rien dans la télé. Bon. Je fais quoi? Je gère lequel? Tu le vires. 1999, Technomax avec Costume Merde. Voilà, bravo. Je peux pas. Non, pas avec. Bon, ouais. Attends, je gère. Je peux pas, je suis désolé. Non, il faut gérer là. Je gère. Allô? Alors, Jean-Yvon. Je suis à l'antenne, là? Ouais. Ouais, GG, tu m'entends? Mais oui, ouais, bah, on t'écoute. Ok, bah, c'est Jean-Yvon. Donc, moi, j'ai été récemment à Marseille. Donc, on m'a montré du savon de Marseille. Non, mais la spécialité de Marseille, c'est la bouillabaisse. Ah, bah, je sais pas, moi, je connaissais le savon. J'ai été où c'est que j'ai été aussi à Avignon. On m'a montré le pont. Avignon, c'est la à Toulouse, c'est, je crois que si je me trompe pas. Et... À Toulouse, c'est les saucisses, hein, ça je peux te le dire. Ouais. Y a pas de problème. Donc j'ai vu le pont d'Avignon. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre à Lille. Doit y avoir les mines de charbon, tout ça. Non mais attends, toi pour un sens, je te demande des spécialités. Bah je sais pas, c'est des spécialités, je veux dire. Attends, des spécialités. C'est connu à travers le monde. De quoi? Le savon de Marseille, c'est connu dans le monde entier. Ouais, c'est la spécialité de Marseille. Le pont aussi, hein. Le pont d'Avignon, on y danse tous en rond là. Voilà. Bon, ouais. Tony et Jean-Yvon, vous fermez vos gueules. Bah écoute, tu nous poses la question, on te répond. Non, pour l'instant, c'est pas à Tony que je me suis adressé. Alors je viens de te le dire. C'est la dernière fois que je te le dis, sinon tu vires. Non mais t'as quelque chose contre moi là, hein. Je le sens bien. Hein. Oui, non mais tu sais ce que j'ai contre toi. Et ça, je suis rancunieux. Rancunier. Rancunier, c'est parce que rancunier, c'est transitif. Non, mais moi je suis rancunieux. Pour le conjugue, c'est rancunier. Bon alors, Tony, terminé pour toi, au revoir. Attends, allez. Je te donne un conseil. Non. Allez, hop, terminé ce coup-là. La Saint-Valentin, j'ai... Non, je veux pas le savoir, la Saint-Valentin, c'est dimanche. Hop. Jean-Guy. Ouais. Alors, moi donc, je suis du Puy-en-Velay. Et la spécialité du Puy-en-Velay, c'est de manger au fond d'un puits des pommes de terre ou des tomates, enfin des légumes, dans le noir, en communauté, donc tout le village au fond d'un puits, voilà. Non mais en viande. En viande, mais il n'y a pas de viande au Puy-en-Velay, il n'y a pas. Ah si, je pense. Hein. Non. Tous les animaux sont interdits là-bas. Ah bon? Ah oui. Sauf les blaireaux. Sauf les blaireaux, évidemment. Mais c'est que des légumes, des choses comme ça, c'est au naturel. Hein. Question IRC. Oui, question de Nymphette. Alors, est-ce que l'exode rural dû à un surendettement majeur des exploitations agricoles vis-à-vis de la concurrence étrangère influencerait le marché international s'orientant vers une production plutôt industrielle qu'agricole? Oh, attends, mais c'est pas du tout le thème du débat là. Si, exactement. Les exploitants agricoles vis-à-vis de la concurrence étrangère et la production industrielle. Mais vis-à-vis de l'euro. Mais ouais. Mais ça, là, c'était sinon pourquoi et dans quel sens l'euro? Non, parce que là, la question, elle est quand même... ça va être dur à y répondre, parce que là, c'est vrai. Bon, tu te tais, toi, derrière. Attends, je vais traduire. Les bouseux, ils font quoi? Voilà ce que ça veut dire. Ouais, écoute, il va t'expliquer. Voilà, les bouseux, de nos jours, GG, ils font quoi, maintenant? Bah, dis. Bah, je t'écoute, non, je te pose la question. C'est le résumé de la question IDRC, traduit en GG, quoi. Sur le Minitel, on me dit, regarde le Big Bill. Bah, alors lui, sur Minitel, il ferme sa gueule. Non, mais c'est vrai. Tu crois que le Big Bill, il récolte ses champs de maïs lui-même ou il se fait aider Attends, le Big Bill, il fait ce qu'il veut, d'accord? Alors, à la place de Tony, on accueille Petfouf. Salut, Gégé. Salut. Ça va? Je sais pas, j'ai pas regardé ce matin. Ouais. Salut, Petfouf. Ouais. Salut. Alors, question, qui c'est qui a pas répondu? HLM. Oui, ben moi, écoute, il paraît que la spécialité à Paris, c'est une bonne levrette avec une crème renversée. Et ouais. Un steak de vache folle. D'accord. Qui c'est qui s'amuse à mettre la télé à fond quand il est au téléphone? C'est personne, comme d'hab. C'est jamais personne. La musique électronique, de 86 à 99, 13 ans de musique, c'est tout de suite. Donc, alors, Petfouf. Gérard. Attends 5 minutes, Petfouf. Sur IRC, il y a Vertige qui dit à chaque mat, quand on a 13 ans et 3 poils au cul, on s'écrase. Il veut parler pour qui, lui, là? Bah, je sais pas, il parle entre eux. Ah bon, c'est pas mal. C'est super. C'est bien. Non, mais elle est bien, la question. Non, mais donc, je croyais qu'il parlait de toi quand il parlait de 13 ans. Donc... Ouais, bah, ça m'étonnerait que j'aille 13 ans. Ça m'étonnerait que j'aille 13 ans. Donc, pour toi, Petfouf? Ben, moi, je pense que la spécialité du pays, c'est les saucisses. Ouais, mais t'es d'où, toi? Moi, j'habite à Strasbourg. Ah ben, Strasbourg, c'est la choucroute. Ouais, mais dans la choucroute, il y a des saucisses. Ouais, t'as des saucisses, t'as du jambonneau, t'as tout ça. Non, moi, je suis pas d'accord avec toi, Gérard. Ah bon? Parce que dans la choucroute, il y a du chou. Bah. Mais attends, tu me parles de la saucisse, moi je te parle pas de légumes, je te parle de viande, qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent bien du jambonneau. Il y a de la croûte aussi. Il y a ouais, du chou et de la croûte. Il y a de la croûte et du pu. Ouais, ouais. Toi, tu t'y connais pas. Oh là là là là là. Qui ça? Elle est réveillée ou quoi là, elle? Bah oui, Petfouf. Hein, t'es réveillée. Tu es réveillée? Ouais, bon, on le dirait pas, hein. Mais si, Gérard, tu es réveillée? Ça y est, vous avez terminé vos conneries derrière? La chèvre. Alors donc, tout le monde a répondu, donc je vais faire un petit sondage avant de poser la sixième question. Il est quelle heure? Il est 1h20. À 1h30, on fait une pause musicale. Non, mais tu essaies de me les calmer, là? Parce que je croyais que tu m'avais dit que ce soir, tu allais me faire du bon boulot. Pour l'instant, t'es en train de me foutre un peu de merde. Mais non, pour l'instant, à moins que ça soit... C'est Manu. Elles sont éteintes, les télés, comment tu veux que ça vienne de là? Alors, si vous habitez en ville, qu'aimez-vous? Donc, 43% aiment le chocolat et la cerise dénoyautée. Donc, c'est vrai. Non, du chocolat dénoyauté, t'en as non, et la cerise dénoyautée. Bon, la cerise, à la rigueur, je veux bien, mais du chocolat, non, hein. Non, mais c'est pas le chocolat qui est dénoyauté, c'est la cerise. Ah bah, je suis désolé, moi, c'est marqué « aime le chocolat et les cerises dénoyautées ». Alors, ouais. J'ai jamais vu du chocolat dénoyauté. Mais non, des cerises dénoyautées. Ouais, mais elle aime le chocolat et les cerises dénoyautées. Ouais, donc, bah... le chocolat, il n'est pas dénoyauté. Bah non. 35% aiment pouvoir se déplacer en string. Fildart, éteins ton micro, s'il te plaît. 14% aiment bien quoi? On n'en sait rien. Aime bien la question. Ah ouais? C'est quoi la question? La question, c'est si vous habitez en ville, qu'aimez-vous? Eh ben, ils aiment bien habiter en ville. Bon, ben, bah, ils pourraient préciser quand même. Aimer 10% aimeraient que je puisse... Que je pisse sur ma femme. Alors là. Oh non. Celui, alors... qui c'est qui a été me chercher ça? Putain, Rigaud. Oh non, t'abuses. De quoi? Qui c'est qui a été me chercher un sondage? T'as pas fait attention ou quoi, Rigaud? De force ou quoi? Non, c'est pas Rigaud. Non, c'est moi. Je t'assure que c'est moi. J'ai tapé, j'ai recopié, j'ai pas fait attention. Alors, 10% aimerait que tu pisses sur ta femme, ouais, ça craint. Ça craint même beaucoup, hein. Ça pue. Hein, Rigaud? Ta pisse, ça pue en plus. D'habitude, tu me fais du bon boulot, mais là, je crois que tu m'as mis de la merde. Hein? Alors... T'en as mis où, de la merde? T'en as mis de la caca? Bon, tais-toi, toi. Donc, alors, partiriez-vous à la campagne? Oh! À la campagne! Effacer la terre du caca. Toi, t'éteins ton micro quand je parle, merci. Alors, partiriez-vous à la campagne ou en ville pour les vacances? On va demander ça à HLM. Et HLM? Oui. Et n'aie pas peur de parler sur les autres, hein, parce que on t'entend pas beaucoup, toi. Hein. Ah ouais. Oui, mais non, mais je suis gentille, j'ose pas parler, quoi. Bah ouais, mais faudrait peut-être te réveiller. Si c'était tellement un grand gourou pour moi que, je sais pas, tu m'impressionnes un peu quand même. Non, mais faudrait peut-être te réveiller un peu plus, parce que là, c'est pas bon, hein. Non, c'est naze. Ouais. Donc, HLM, je sais pas si tu vas pouvoir continuer le débat, hein. Bon, je vais me réveiller, alors, écoute. Hein. Bah alors, vas-y. Bah alors écoute, moi j'aimerais bien partir à la campagne, mais excuse-moi, mais ta question là, elle m'inspire absolument pas, quoi. Bon. Une question à la con, hein. Alors, qui c'est qui vient de dire ça? C'est moi. Qui? C'est Jean-Guy. Eh ben Jean-Guy, tu retournes voir Fildart au standard. Mais attends, mais c'est quoi cette question de merde? Non, là-dessus. Tu parles que de la campagne, de la ville, tu parles ni de la montagne, ni de la mer. Parce que franchement, c'est chiant, quoi. Attends, la campagne ou la ville, c'est les débats qu'on a choisis maintenant. Si ça vous plaît pas, c'est le même prix. Dans ces cas-là, vous appelez pas. On vous sélectionne pas, ok? Tous les goûts et toutes les couleurs, ce sont dans la nature. Tu peux pas. Si on a décidé de faire les campagnes ou les villes, c'est ça. C'est tout. Point final à la ligne. Si ça te plaît pas les questions, tu raccroches et tu nous fous la paix. Mais non, mais tu réécoutes le reste. Je ne comprends pas, c'est tout. Eh ben alors, tu ne comprends pas. Et ben si tu comprends pas, ben tu réponds pas à la question. C'est tout, si t'as pas envie de répondre, tu le dis tout de suite, on prend d'autres personnes. Mais moi, okay. En vacances, GG, moi je vais partir en mars. C'est Dom Tom. C'est des territoires d'outre-mer. Voilà. Dom Tom. Ça veut dire quoi d'ailleurs? Dom Tom. Les Dom Tom, c'est territoire d'outre-mer. Les Dom Tom, Dom Tom. Ouais. Territoire d'outre-mer. Là où tu as eu pas mal de. Et Dominique et Tom, et Thomas là-bas. Ouais, ben on. il est encore là, direct. Jean-Guy. Ah ben c'est vrai qu'il a pas, il veut pas répondre. Mais bon. Jean-Yvon, non, mais c'est bon pour toi. Tu veux pas répondre, donc Fildart, il va te récupérer au standard. Tu peux le caresser un peu au standard. Mais c'est tout. Hop. Jean-Yvon. Ouais, tu m'entends, ouais. Donc, moi, je pars ni à la campagne, ni à la mer, tout ça. Je voudrais savoir ce que tu penses des gens qui partent à l'étranger. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui partent à l'étranger, même si c'est pas les tom-toms. Donc, voilà, je te soumets la question, et voilà. Mais ça, c'est vrai que maintenant, tout le monde... c'est vrai, la question, elle est bien. Elle est bien posée. Bah, bien sûr. Non, parce que c'est vrai que... Non, mais je te remercie, Non, parce que maintenant, c'est vrai que... Maintenant, il y en a... Oh, s'il vous plaît, vous... Non, mais c'est vrai, c'est une bonne question. C'est vrai que... Oh, vous me laissez répondre. Non, mais merci, GG, merci. Du compliment, merci. C'est vrai que maintenant, ouais, c'est tout vrai le monde... C'est une bonne question. Bon, alors Jean-Yvan, tu la fermes. Non, mais merci, je te remercie. Bon, bah tu la fermes, je vais répondre à ta question, d'accord? Je suis touché, ça fait pas longtemps que je suis arrivé, et déjà j'ai une bonne question, c'est cool, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. T'as la chance, hein. Ouais, ça le fait, hein, putain. Ouais. J'ai droit à un point? Pour l'instant, t'as le droit, vous avez le droit à vous taire et que je réponde. Ok, mais merci, hein. Excuse-moi, GG, en attendant, j'ai trouvé quelqu'un pour remplacer Jean-Guy. C'est Jean Biscotte, bonsoir. Ouais, mais attends, t'amuses pas, parce que là, apparemment, t'as pas repris grand monde. Mais si, regarde, j'ai pris tous ces gens, là. Regarde, j'ai tout ça. C'est pas le même d'entrée. Stéphane, c'est toi, Jean Biscotte? Ah, bah ouais, clair. Ouais, je vais te casser, toi, Jean Biscotte. Bonsoir. Voilà. C'est pas le toi. Allez, on y va. Donc, pour répondre à... Oh, j'ai pas dit bonsoir. Bon, bah, tu permets, c'est bonsoir, Paris, bonsoir, rigole, mal rasé. C'est à toi. Gérard, est-ce que je suis mal rasé? T'es comme moi, un petit peu. Non, ouais. Non, je suis comme toi, merde. Un petit peu, un petit peu. Donc, alors, pour répondre à la question à Jean-Yvon. Oui, tout à fait. Merci d'ailleurs de me dire que c'est une bonne question. Merci. Donc, alors, pour te répondre, c'est vrai que Matt. Ouais. Oh, Gérard, je te kiffe. Qui c'est ça? Eh, Jean-Guy, dégage. C'est Jean-Guy, ça encore? Ah ouais. Il est encore là, lui? Non, là, il y a Jean Biscotte, Jean-Yvon, HLM et Petfouf. Et donc, c'est tout. Ouais. Gérard, en attendant, sur IRC, il y a Turpentine qui te demande, quand t'es allé à la campagne, est-ce que t'as déjà trait une vache? Non. Non? Non. Et tiré une dinde. Alors toi, tirer la dinde, t'emmerdes de ma dinde, d'accord? Je me demande aussi si t'as sucé un cheval. Non plus. C'est pas... Justement. Comment tu crois qu'il a perdu une dent? Attends, qui c'est qui vient de dire ça? Ah, c'est pas ça. Bah, ça, je sais pourquoi. Qui c'est qui vient de dire ça? Maqué, c'est Pablo. C'est Pablo, il travaille à France Télécom. T'as raison, mon con. Oui. Pablo Polo. C'est pas grave, on sait pertinemment que c'est vrai. Donc, vas-y, Gérard, continue. Alors, pour finir, c'est vrai que maintenant, pour répondre à sa question, et en espérant qu'il va pas me recouper encore une deuxième fois, sinon il va dégager pour non, de bon. Non, pas du tout, je vais pas te couper, vas-y, Gérard. Donc, c'est vrai que maintenant, il y a plus de Français qui partent à la campagne, à l'étranger. Savoir pourquoi, ça, peut-être que là-bas, c'est moins cher que sur Paris, ça, c'est vrai, parce qu'à New York, j'ai eu l'occasion de le voir, c'est vrai que c'est moins cher. Même à la campagne, c'est pas la campagne, New York. Ouais, mais d'accord, mais la c'est quand même. Campagne. C'est quand même moins cher que sur Paris, et même à la campagne, t'as beaucoup de personnes qui veulent vivre à la campagne. Pourquoi? Parce que c'est moins cher. Mais non, c'est moins cher que sur Paris. Bon, on m'a toujours dit que la campagne c'était plus cher, justement. Non. Parce non, que comme tu trouvais pas facilement les aliments, non, mais attends, les épiciers, les mais ouais, mais cirque et tout, ils... Non, mais t'as des camions qui viennent pour te donner du pain, tout ça. T'as des camions qui passent régulièrement. Ah ouais, donc, c'est du pain qui vient de la ville. Bah oui. Ah, donc il est périmé. Non, c'est du pain que les boulangers font à la campagne. Même à la campagne, il n'y a pas beaucoup de bureaux de poste, hein, par rapport à la région parisienne ou autre. Hein. Non, mais Nicolas sur IRC, il dit que c'est pas moins cher qu'à Paris, mais ça pue pas le GG à la campagne. Ah bah ça, il dit ce qu'il veut, lui. C'est naze, l'Internet, ce soir. Non, c'est pas naze, à part qu'il y a des petits cons qui disent des conneries, mais c'est pas grave. On est combien, là? Petfouf, avant, on va finir la question et après, juste au moment de. Attends, je fais ce que je veux. Ouais, attends, tu fais ce que tu veux, c'est moi qui commande le jeudi, d'accord? C'est mes débats, c'est pas les tiens, d'accord? Toi, t'es là pour faire ton standard. C'est tout. Gérard Perfouras, il te demande, c'est quoi la capitale de la campagne? Mais y'en a pas. Y'en a pas, Perfouras, qu'est-ce que tu vas me chercher? Il est vieux, Perfouras, il fait pas ce qu'il sait pas ce qu'il fait. C'est ce qu'il dit. Oh merde. Alors, Petfouf. Allô, c'est Jean-Pierre. Gérard. Ouais. Gérard, moi je voulais te demander si quand tu partais à la campagne, et ben t'apportais des cotons-tiges. C'est qui qui vient de dire ça? C'est qui vient de dire ça? C'est HLM. Non, c'est pas moi. Non, c'est qui? C'est l'autre truc. J'ai trouvé. Allô, c'est Jean-Pierre. Jean Bistotte. Ouais, est-ce que tu peux répéter la question? J'étais en machin là. Oh, ta gueule toi-même. Vas-y, répète, s'il te plaît. Partiriez-vous à la campagne ou à la ville pour les vacances? Partiriez-vous à la campagne ou à la ville pour les vacances? La ville. Bah, d'entrée de jeu. Ouais, mais précise. Bah, d'entrée de jeu. Mais précise. Oui, moi, d'entrée. Je vais voir, je vais me balader et tout, je vais voir mes potes de la radio. Je vais passer les couilles. Et après, je vais voir un petit tour à... Mais bon, là, je peux pas le dire, sinon ça va être tout raide. Non, mais moi, je peux vous dire une chose, je préfère partir en vacances à la campagne que... Pourquoi, justement? Tu vas où, GG, quand tu pars en vacances à la campagne? J'en sais rien encore, je sais pas... Ah, t'es jamais parti? Si. Jamais à la campagne. Si, je suis parti une fois avec Henri. Au bois de Boulogne, au moins, il y a de la verdure. Ouais, au bois de Boulogne, tu as des vaches à traire aussi. Bah, tu peux y aller, toi, au Bois de Boulogne, ils te recherchent. Ah, mais c'était pas. C'était non, pas non, mais ils te recherchent. Mais non, mais ils te recherchent. Il recherche. C'est Roberto qui lui a dit qu'il te cherche. Ah, okay. Non, mais ils te recherchent. Hein. Donc, Rego, avant le petit disque. Je peux le caresser un peu ça. Nombre, le nombre de personnes sur l'IRC. Alors, j'ai toujours pas moyen de vérifier, donc je vais demander qu'on me dise qu'on est. Alors, on est. Manu, s'il te plaît. Il y a un problème avec ton micro, Rego. Non, non, c'est Manu. C'est con. Alors, on est 6985, je remercie LGM, le Gérard Masqué. 6900, ben... Et ça arrête c'est pas d'arriver. Mal, non c'est bien. Ça arrête pas d'arriver. Ouais, 6900, tout à l'heure, on était 6542. Là, 6900, donc c'est pas ah mal. Ah ouais, ça monte, ça monte. Et donc, là, on va s'écouter Aldo, l'écolo, avec ce pas de ma faute, mon caca est recyclable. Et la question, c'est pensez-vous que la campagne est moins chère qu'en ville? Et justement, j'en ai parlé tout à l'heure et on se retrouve tout de suite après. Donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000. Et toujours 3615 Code Fun Radio, retour direct. À tout de suite. Salut, toi. Ah, c'est Manu qui n'a pas allumé le micro. Et voilà, vous venez, excusez du petit blanc que je viens de faire. Donc, c'est le premier disque, c'était Aldo L'écolo avec c'est pas de ma faute, mon caca et recyclage. Et là, vous venez. Recyclable, pardon, excuse-moi. Ah ouais, mais il faudrait peut-être mettre les L. C'est pas parce que moi, je mets pas les L. J'ai pas écrit proprement. Non, t'es écrit comme un cochon encore. Ouais, et là, vous venez d'écouter. Un remix de Sur moi, donc j'espère que ça va commencer à se calmer, parce qu'il y en a ras-le-bol. Donc, pour finir le thème du débat sur ville ou campagne, on récupère pour ça HLM. Oui, c'est moi. Bonsoir. Qui c'est que j'ai mis Jean-Guy, il est toujours là? Non, c'est Jean-Yvon. Jean-Yvon. Oui, bonsoir. Tu l'as mis aussi, hein. Direct. Tes oreilles, tu les as tous mis. Donc, Jean-Yvon. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à toutes mes admiratrices. Ouais, bah c'est bon, pète foot. Oui, c'est là, Gérard. Et Jean Biscotte. Oui, bonsoir Paris, bonsoir Sébastien Douy. Bonsoir. Alors, la question c'est, y a-t-il plus de naissances à la campagne qu'en ville ou autre? Plus de? Ouais, Gérard, je voulais juste te demander, est-ce que tu penses que... Oh, voilà, est-ce que je pense que, ben, ça c'est super. Je les ai raccrochés. Je les ai direct. Un mec du 9-4. Hein. Là, c'est du zéro. Alors, non mais c'est bon, tu peux me retirer la... Bureau. Voilà, merci. Répète ta question, s'il te plaît, Blaireau. Blaireau, il t'emmerde. Alors, fais gaffe parce que tu vas pas finir le débat. Ok. Alors, HLM. Oui, alors, écoute, moi, je suis sûr qu'à la campagne, comme ils ont rien à foutre, ils baissent comme des porcs, alors il doit y avoir trop de naissances, quoi. D'accord. Donc, ça me donne pas grand-chose. Hein. Ah, ouais. Bon, celui qui dit... Attends, HLM. Celui qui s'amuse à faire... tu te calmes. Je gère. Non, mais j'ai. Voilà, hey, encore un. Merde. Gérard, sur IRC, il voulait que tu répondes à la question, est-ce que tu penses que. Ouais. Tu penses quoi à toi? Il jouait pas. Manu, s'il te plaît. Non. Manu, s'il te plaît, on arrête avec ça. Il y en a ras-le-bol maintenant de ce soir. J'ai rien fait. Parce que ce grosse connasse, maintenant, elle a bien joué. Parce que la gamine de 16 ans qui a téléphoné. Non, je ne veux pas le savoir. La gamine de 16 ans qui a fait chier Sandy, maintenant on est avec ces bandes de cons. Et arrête de me couper mon micro quand je parle. Ok? Parce que moi j'ai mes comptes à régler. Bon, alors la gamine de 16 ans, à premier de se calmer. Gérard. Des livres. Hein? Parce qu'à 16 ans, si on est con, c'est pas de ma faute. Faut pas que tu oublies un mot. Ouais, je sais, mais. C'est la réponse là. Alors donc, pour toi, HLM? Ben, moi, je te disais qu'il y avait beaucoup plus de naissances qu'à la campagne. Mais tu peux me préciser? Ben, de la campagne, il y a plus de naissances à la campagne qu'en ville, quoi. Ouais, mais attends, à la campagne, je vais te dire une chose, que les maternités sont quand même assez loin. Par exemple, si tu habites à 30 bornes de la ville... C'est vrai, hein, tu sais, ça naît comme... Comme un cheval ou une vache. Bah oui. Bah ouais, non, mais c'est... C'est clair. Ouais. Okay. Allez, suivant, allez, hop. Ouais, toi, tu t'écrases, d'accord? D'accord. Bah maintenant, comme tu ouvres ta gueule, tu vas répondre. Et devine qui c'est? C'est Arnette. Non, raté. Ah, Arnette, il est là. C'est pas Arnette, c'en est un des quatre autres. Il est sur IRC. Tu réponds. Ouais, c'est Jean Biscotte. C'est Jean Biscotte. Moi, j'habite dans la campagne, malheureusement. Et je vois qu'il y a plus de naissances chez les ploucs que chez les citadins. D'accord. Ok. Voilà. Des naissances. Attends, j'ai pas fini. Des naissances un peu bizarres parce que j'ai mon voisin là. il allait... Bon, ouais, t'as du monde derrière, au revoir. Au revoir, Jean Biscotte. Au revoir. Ah, mais tu t'en vas, non. Faites fouf. Faites fouf. Ah oui, Gérard, excuse-moi. Allô. Ouais. Tu as l'antenne? Non, pour l'instant, c'est pas à toi de parler. C'est pas à moi de parler. Bon, faites fouf, allez. Ouais, bah moi, je crois que les gens à la campagne, eh ben, ils font plus l'amour parce qu'ils peuvent faire l'amour dans les sangs. En plus, ouais. Et ils peuvent faire l'amour dans leur grande. T'as un poil plus bien sur la langue. T'as un poil plus bien sur la langue, toi. Ta gueule, toi. Et il en manque plus qu'un, là. Oh là là, allez hop. Bon, ouais, bah, de toute manière, on fait conclusion, c'est tout. Oh non, attends, Gigi. Oh non, je veux pas te savoir. Attends, tu me calmes, les bandes de connards, là, les habituels, là. L'habituel, là, qu'on a. Mais il n'y a pas d'habituel. Non, non, il n'y a pas Goldo, là. Non. Non, non, il n'y a pas Goldo, là. J'ai oublié 40 bars, quoi, je suis vert. Hein, 40 bars. Ah, merde. Ah, ouais. Et qui c'est qui t'a demandé de passer? Polo. Non, mais il n'est pas connu. Ouais, c'est ça. D'Artagnan, moi, je suis quatrième. Ah, ouais. Bon, on y va, Gérard. Donc, Jean-Yvon, pour terminer. C'est la fête de la musique. J'ai pas connu, attends. Oh, mais arrête. Oh, putain. Bon, allez, hop. Terminé, conclusion. C'est bon, j'ai géré, vas-y. Alors, Jean-Yvon. Oui, je suis à l'antenne. Ouais. Non, parce qu'il faut que je fasse vite, parce que ma mère va violer, sinon. J'en ai rien à foutre, tu réponds. Alors, c'est mieux à la campagne. Ouais, bah alors, dégage, allez hop. J'habite dans la campagne, je récure des trucs et cabines téléphoniques. Ouais, c'est ça, allez. Je jure. Allez hop. Tu vas aller récurer ton lit. Allez, dégage. Tout le monde. Dégage. Et puis rentrer, nos doigts, dedans. Eh putain, mais oh, c'est chaud. Ils vont rentrer ses doigts dans ton fion, c'est chaud. Non, c'est dégueulasse. Oh merde, j'ai zappé quelqu'un. Bon, allez, tu es. C'est bon. Allô. Alors, dernière question. Oui, c'est à l'antenne. Avant que tu poses ta dernière question, il y a Perforas qui en a une sympathique sur l'IRC. Il te demande, est-ce qu'on pourrait faire Interville à la campagne? Je pense que c'est faisable, oui. Il faudrait voir ça avec Jean-Pierre Foucault. Mais ce serait inter-campagne alors. Plus Interville. Bah oui, mais ça, ça dépend d'eux. Hein. Inter-bouzeux. Donc, la dernière question. Vas-y. Y a-t-il plus de secouristes à la campagne qu'en ville? Gérard. Ce sera la dernière. Ta gueule. Ça sera la dernière question. Ça sera la dernière question du débat, c'est tout. Alors, HLM. Bah alors, écoute, moi, je suis sûre qu'il y a trop de secouristes à la campagne parce que les chutes de grange et les chutes de cheval, c'est vachement dangereux quand même. Hein. Donc, il doit y avoir vachement de secouristes. Ok. Jean-Yvon. Ouais, bah écoute, a priori, c'est vrai qu'il y a plus... C'est la fête de la musique. Il y a plus d'actifs. On va boire du champagne. Ta gueule, Jean-Pierre. Écartez ton vieux fion. Rentre chez ta mère, Jean-Pierre. Tu refais nos doigts dedans. En cul-pon-cul. Là, il y a Jean-Pierre, là. Eh oh, HLM, tu restes un peu poli, s'il te plaît. Ouais. Parce que toi, tu as dégagé. Alors, pour HLM, terminé, au revoir. Ouais, déjà, t'as fait presque la moitié du débat et tu t'es pas réveillé, comme on te l'avait dit. Donc, c'est pas normal. HLM, au revoir. Au revoir. Bonne nuit. Salut, Caroline. C'est Jean-Yvon, je peux continuer. Vas-y. Ouais, donc je te disais, effectivement, il y a plus d'accidents. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de médecins. Donc moi j'ai souvent vu à la campagne des gens se faire soigner par des vétérinaires. Et je sais pas si t'as déjà vu un accouchement pratiqué par un vétérinaire, mais ça cogne. Non. Bah je sais pas si t'imagines le cordon ombilical déchiré aux dents. C'est trop tard. Castration à la main, comme pour les boucs. Voilà. Okay. Et tout ça remboursé par la sécu, bien sûr. C'est ça, t'as raison. Pas de pouf, pour finir. Jean-Yvon, c'est terminé. Jean-Biscotte. Jean Biscotte, pour l'instant, c'est pas toi que je m'adresse. Et c'est vrai que c'est toi qui t'a brûlé ta verrue dans le cou. Je n'arrive pas à parler. Bon, alors, Biscotte, tu dégages. C'est l'autre, c'est pas moi. Non, c'est à moi. Oh, tu travailles ou quoi, toi? Tu réponds à ma question, oui ou merde? Bon, allez, hop. Non, Gérard, merde. Non, non. Viens. Oh là là. Attends, Jean Biscotte qui parle sur Pet Pouf, l'autre adore à moitié. Alors, tu calmes. Bon, Pet Pouf. Oui, Gérard. Moi, je crois que. Allô, Gégé, est-ce que tu m'entends, Gégé, s'il te plaît? Gérard. Allô, Gégé, est-ce que tu m'entends, Gégé, s'il te plaît? Pète-fou pour la troisième fois. Gégé, est-ce que tu m'entends, Gégé? Bon, allez, CTX, s'il te plaît. Il y a une boîte à flash sur la 4 au niveau d'Angers. GG, s'il te plaît. Allez, hop, terminé, conclusion, parce que moi, vous me faites chier. GG, s'il te plaît, on ne conclut pas, s'il te plaît. Ouais, je suis avec toi ce soir, on est là tous les deux, c'est Jean-Claude qui remplace Jean-Guy, on est là tous les deux ce soir. Mais quoi? Arrête Gérard. Putain, vous deux, je vais vous niquer là. C'est un PD là. Manu, t'as un PD! C'est pas vrai! Vous abusez, putain, c'était bien! T'as un petit PD, Manu! Moi aussi! Oh non! Ah, t'as compris? Mais il a rien fait! Non! Je lui demande de calmer les gens, il fait rien! J'arrive pas à les trouver! Mais t'arrives pas à les trouver! Bah, t'arrives à rien foutre! Merde alors! Tu vas dire des conneries! Combien de connectés quand même? 12 000. On a dépassé les 7000, on est 7243. La folie! 7243. Oui, bah c'est bien pour la conclusion, donc je pense que les 8000, on va le faire lors du deuxième débat. Ah, c'est bon. Alors, conclusion du débat, donc qui c'est qui reste? Est-ce que je passe toujours à l'antenne, s'il te plaît? Ouais. Allez, c'est bon, on y va. Allô, conclusion. Ouais. Et j'ai pas répondu, moi. Non, mais moi, je m'en fous, c'est conclusion. J'ai pas répondu. C'est conclusion. Eh, mais j'en biscotte, j'ai pas répondu à la question. Après, on fait conclusion. Non, moi, je dis conclusion. Pose-moi la question, bordel. Conclusion. Mais ça te fait quoi de pas poser la question, là? Vas-y. Moi, je te demande la conclusion du débat, c'est tout. Pour ça, peut te foutre. Bon, alors, dans ce cas-là, au revoir. Ah, bah, t'as pas voulu me la reposer, vas-y. Alors, au revoir. Ouais. Pas de pouf. Oui, ben moi pour conclure, ben je voulais dire que la campagne, eh ben c'est bien parce qu'il y a des petits animaux et qu'il y a des petits gens qui font l'amour dans les sangs et moi je trouve ça très très mignon. D'accord. Jean-Yvon. Ouais, ben écoute, c'est bien que t'aies parlé de nos amis les agriculteurs et les éleveurs. On fait les CTI. Ouais. Oh non. Faut continuer, GG. Ouais, vas-y. Ouais, donc je voulais dire que dans tous les troupeaux, il y a une brebis galeuse. Et voilà, c'est tout. Je pense qu'avec ton chien de berger, tu dois faire des miracles. Voilà. Alors, mon chien de berger, tu veux préciser, le chien de berger? Non, je crois que j'ai pas besoin de préciser. Tout le monde a dû comprendre. Ouais, alors je veux te dire une chose, que c'est la dernière fois que tu passeras dans mes débats, toi. Mais pourquoi? Ouais, bah moi, je voudrais conclure, là, s'il vous plaît. Il y a Jean-Claude qui voudrait conclure, s'il vous plaît. Quoi? Vous m'écoutez? Non, Jean-Guy, c'est Jean-Guy là. Ouais, c'est Jean-Guy, mais Jean-Guy, c'est Jean-Claude et Jean-Claude, c'est Jean-Guy. Bon, bah, je voudrais conclure un petit peu sur la campagne et la ville là, parce que bon, toutes ces histoires, c'est bien joli. Bon, la campagne à la ville à la campagne, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est sinon que la campagne à la ville ou la mer à la montagne? C'est ce que je voulais dire un petit peu sur ces histoires là, quoi. Ok. Vous comprenez un petit peu? Ouais, ouais, mais on a compris, c'est bien. Non, mais c'est ça qu'il faut dire, quoi. Ouais, non, mais c'est bon, on a compris. Non, mais c'était la parole de la soirée, je veux dire, parce que là, on parle, on n'arrête pas de parler, alors que là, on est là, quoi. Ouais, GG. C'est qui? Eh, tu m'entends? Ouais, c'est qui? On va lancer un STX, s'il te plaît, là. Non, non, il y a HLM, elle est plus là. Si? Elle est là? Oui, je suis là. Ah, t'es encore là, toi? Bah ouais. Je croyais que je t'avais dit au revoir à toi. Tu la rappelles? Elle peut conclure, quoi. Voilà. Donc, alors, conclusion? Eh ben, écoute, la ville, c'est génial, la campagne, c'est génial, mais les débats sont nazes, quoi. Eh ben, dans ce cas, le prochain coup, on t'appelle pas, puis c'est tout. Bah, c'est clair. Hein? Ouais. Ok, alors on de bon entendeur, salut. Ouais, salut. Voilà, conclusion l'IRC. Alors, il y a plein de conclusions sur l'IRC, je vais en lire quelques-unes. Alors, il y a RIP qui dit que, en fait, normalement, ils n'ont pas le droit, officiellement, ils n'ont pas le droit de faire rentrer des gens dans leur école, mais ils ont fait une exception pour une copine à eux. Mm-hmm. Et, bah ok, c'est pas grave. Et Perforas, il faisait la même. Et sinon, il y a Turpentine qui m'a forcé à dire que ton débat, il avait ni queue ni tête comme toi. Bah alors, Turpentine, je commence à en avoir ras-le-bol. Donc, deuxième débat sur les portables. Et Turpentine, ta conclusion, tu pourras te la carrer où que je pense. Ouais. Donc, alors, le deuxième débat qui va porter sur les portables, mais comme j'ai pas de fiche, donc... Attends, Manu, trouve les auditeurs. Moi, par contre, j'ai qu'une chose à dire pour la conclusion. C'est dommage. Ouais. Que t'as foutu un peu ta merde, toi, à la fin. Ah non, c'est pas moi, c'est les auditeurs. Mais t'as pas essayé de trouver, parce que sinon, si. Ça aurait été fait depuis le début. Mais non, c'est pas ça. Hein, quand on te demande quelque chose, tu t'en fais qu'à ta tête. Non, mais là, c'est pas la peine de commencer de jouer avec le débat sur les portables, parce que là, je vais pas être d'accord non plus. Manu. Oui. Attends, mais je peux pas tout faire en même temps. Non, mais aucune personne avec des portables pour le débat. Oui, je sais, t'inquiète. Bah attends. Heureusement. Parce que sinon, ça va pas être possible. Donc, alors, les questions, il y en a quand même 11. Donc, il est 2 heures. Donc, il moins 10. 2h moins 10. Moins 5. Ouais, enfin, oui. Moins 5. D'accord. Donc, il y a quand même 11 questions. J'espère que les 11 questions vont se faire dans le calme. Dans le calme et que Manu va me faire du bon boulot. Alors, sans... déjà, tu peux accueillir SFR. Ouais. Ah, c'est bien. Et tu peux accueillir Grosse Antenne. Ouais. Et ah, ça, non, ça. Donc, alors, SFR. Ah, excuse-moi, c'est moi, Gérard. On m'entend ? Ouais, salut, moi, c'est SFR. Ça va bien ? Ouais, et toi ? T'es chaude ? Ouais, trop. T'as des poils au sein ou pas ? Non. Non, parce que ma mère, elle veut pas que je nique. Ah bon, pourquoi ? Toujours en train de me gueuler. Oh ! Tu vas t'écraser, toi ? Ma mère, c'est ma mère. Bah ouais, je sais bien. Non, mais attends, elle, c'est qui, là ? C'est... Allô ? Vous êtes à l'antenne. Ah, on est à l'antenne. Ah, bon, merde. En train de la draguer comme un fou. Ouais, non, mais Jean-Pierre, tu vas te taire. Ok.